said, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Are you getting it? Ne vous faites pas des illusions. Dieu ne laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Amen. Praise the Lord. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. For he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption. If your decision is dead, wenn deine Entscheidung tot ist, wirst du auch tote Ergebnisse bekommen. Whatever, you know, if your action is dead, wenn deine Handlung tot ist, don't expect life. Erwartest du kein Leben? Du erwartest nicht, dass Leute Leben zu dir sprechen. Si ta semence ou tes actions sont mortes, tu ne dois pas t'y attendre que les gens puissent parler de la vie sur toi, parce que tu vas récolter aussi la mort, vu que tes semences aussi c'est la mort. Amen. Amen. Everything is going to sound dead to you. Alles wird sich tot anhören. Parce que tout va s'écouter toujours mortel. If you correct things, you will not sound dead. Selbst Belehrung wird tot sein für dich. Weil der Tod dich umgibt. Même la correction, ça sera, même, ça va s'écouter même comme de la mort pour toi, parce que c'est toujours la chair qui t'est comprise de te s'y rendre, de t'occuper. Oui, tu as toujours de la mort dans ta vie, et c'est pour cela que tu vas le récolter. Praise the Lord. Weil man sich für das Fleisch entschieden hat. Parce qu'on choisit la chair. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Amen. There is always seed time and harvest. Es gibt immer einen Samen, eine Zeit, die lange vergeht und dann die Ernte. Donc on va d'abord semer et puis il y aura après longtemps on va récolter. Amen. Amen. If you look at Ananias and Sapphira, Ananias was taken out first before Sapphira. Bei Ananias und Sapphira, da sehen wir, dass Ananias zuerst sozusagen ausgeschaltet wurde, also vor Sapphira. Ananias und Sapphira, on peut voir que d'abord c'est un deux qui un deux Ananias, non? OK, c'est d'abord Ananias qui a été d'abord tué avant sa femme. Amen. Un d'entre eux. Praise the Lord. Hallelujah. That you know, it might be 1 year or 2 or 3 years or 3 months, 2 months or 5 days or even 3 hours. Go to Acts 5 and let us see something. It was in the beginning, in the period of 3 hours. Apostle 5. Then it was not the same time. Husband and wife. Amen. This will help you to know that salvation is also personal. Apostelgeschichte 5 und diese Zeitspanne ist unterschiedlich. Es kann Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre sein. Acte des Apôtres 5, on peut voir que, oui, le salut personnel, ça peut être des heures, des jours ou bien même des années. Und das zeigt uns auch wieder, dass Errettung etwas Persönliches ist. Apostelgeschichte 5. Ananias was already dead. Ananias war schon tot. Ananias und dann kam die Frau dazu. Amen. The wife is still in the living church. Die Frau ist noch in der lebendigen Gemeinde. La femme elle est toujours dans une église vivante. Amen. And it was, look at it. And it was about the space of 3 hours after when his wife, now not knowing what was done, came in. And Peter answered unto her. Tell me whether you saw the lamb for so much. Mm. And she said, yea, for so much. Mm. Peter already know what happened to the husband. Petrus wusste schon, was dem Mann passiert ist, aber er hat nochmal die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, wirst du dich auch für den Weg deines Mannes entscheiden oder nicht? Et Pierre, par exemple, lui, il savait déjà qu'est-ce qu'elle va choisir, mais il lui a toujours donné l'opportunité à se décider. Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tempt the spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried your husband are at the door and shall carry thee out. Praise the Lord. Hallelujah. She fell down straight away at his feet and yield up the ghost. And the young man came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that salvation is personal. Wir sehen, dass Errettung etwas Persönliches ist. Et on peut voir que le salut est personnel. The husband was disobeyed. Der Ehemann hat ungehorsam. Und hat die Quittung bekommen. Mm-hmm. Mm-hmm. He said, you mm-hmm. And how I wish the wife would have said. Mm-hmm. It was, let me just repeat here. Mm-hmm. This is, we lied. We are so sorry. Mm-hmm. I'm so sorry that, mm-hmm. Imagine, are you getting it? Yeah. To give up and say, agree with your adversary while you're on the way. Mm. Agree with Satan, that yes, you are being the flesh, all true. Mm. But now I want to come to Christ Jesus. Mm. And not yet, I want to come to Christ Jesus and you are still full of pride. Mm. There's nothing like that. Und hier sehen wir auch, dass Paulus sozusagen beiden die Chance gegeben hat, Buße zu tun. Ne? Nachdem ihr Mann schon gestorben ist, hat er nochmal die Frau konfrontiert und gesagt, habt ihr das wirklich so und so gemacht? Ne? Habt ihr das wirklich so und so gemacht? Und sie hätte natürlich in dem Moment sagen können, und sie hätte sogar in dem Moment sagen können, ey, es tut mir wirklich leid, wir haben es leider nicht so gemacht und es tut mir leid, ich tue Bußes und da wäre nichts passiert. Also sie hätte noch umkehren können. Man hat sie nicht abserviert mit dem Mann, sondern man hat ihr nochmal die Gelegenheit gegeben, sich für oder gegen Christus zu entscheiden. Mm. Et par exemple, on voit ici que Paul pouvait dire que oui, Paul a donné à la femme l'opportunité, Pierre, a donné à la femme l'opportunité à se repentir. Il pouvait aussi dire que malgré il savait que comment elle va choisir, on l'a donné l'opportunité. Elle pouvait aussi dire que Pierre, tu as raison, on a fait quelque chose de mal et je me repentis, pardonne-moi. Mais non, elle a continué à s'appuyer, à être comme son mari, et c'est comme ça que elle a perdu cette opportunité. Amen. Verset 11. And fear came upon all the church. And upon all many as heard these things. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. You can see the signs and wonders was not to condone evil. Is it the Zeichen Wunder? It's not the Holy Spirit. Those people were dead. The signs and wonders should be part of to raise them up. Mm. I don't know if you are getting it. Signs and wonders is not to condone evil. Who is getting it? What is condone, Jake? To accept. Zeichen, Wunder sind nicht dazu da, um das Böse zu befürworten. Mm. Par exemple, les signes, les cinq sens ne sont pas là, ou bien même les miracles, ne sont pas là pour appuyer le mal, soutenir le mal. Amen. Signs and wonders are not to go against Christ. Zeichen, Wunder sind nicht da, damit man gegen Christus geht. Les miracles ou bien les signes ne sont pas là pour qu'on puisse faire des histoires contre le Christ. Amen. Mm. The victory of the Lord in your life is not to go against the Holy Spirit. Der Sieg in deinem Leben sollte nicht gegen den Heiligen Geist gehen. Oui, la victoire dans ta vie, ça ne doit jamais être contre le Saint-Esprit. And here we help you to know that. Das hilft uns, das zu erkennen. Et ce verset, ce biblique doit nous aider à le comprendre. Amen. Amen. And of the rest does no man join himself to them, but the people magnify them. Verse 14. And believers were more added to the Lord, multitude both of men and women, in so much that they brought. Praise the Lord. Two people just died. Zwei Leute sind verstorben. People just left the church. Haben die Gemeinde verlassen. And the Lord increased the church. Und der Herr vermehrt die Gemeinde. Because he does not want the dead to be among the living. Denn er will nicht, dass die Toten unter den Lebendigen sind. Ici, on voit vraiment que deux personnes sont mortes dans l'église, mais l'Éternel, il a ajouté encore beaucoup de croyants. Et malgré ils sont morts parce que l'Éternel va jamais permettre que les morts puissent puisse être avec les vivants. Mm-hmm. You can see that the wife lied like the husband. Ich kann sehen, dass der Ehemann the same spirit was already possessing them. Das die Frau already possessed by that same spirit. Ja. Ihr könnt sehen, dass die Ehefrau den gleichen Weg eingeschlagen hat wie der Ehemann. Sie waren beide schon besessen von dem gleichen Geist. Et tu peux voir que le mari, la femme a maintenant a commencé à rejoindre le mari. Ils étaient possédés du même esprit. You know, you can see that she could not separate herself from the husband because the same spirit was already. Because they were both already dead. Sie konnte sich nicht rausnehmen aus diesem Ehemann, weil dieser dämonische Geist schon in ihnen beiden verwurzelt war. You see, I believe my husband. Mm. Donc on peut voir que la femme, malgré tout, malgré elle a eu la possibilité ou l'opportunité à se repentir, elle n'a pas pu se repentir parce que cet esprit qui était aussi dans ce mari s'est vraiment raciné aussi en elle. Et elle disait, ben moi je crois, toi tu dis par exemple, moi je crois à mon mari, mais tu es vraiment un, donc tu peux voir comment ça se racine aussi en toi. C'est de... Praise the Lord. Halleluja. They were already dead. Und aus dieser Motivation heraus, weil sie besessen waren vom gleichen Geist, konnte sie dann zum Beispiel sagen, dass sie ihm glaubt, ne? Dass sie auch nach dem handelt, was er gesagt hat. Et c'est comme ça qu'ils étaient aussi morts, et elle aussi, elle a commencé à agir. Selon aussi der gleiche Dämon war in ihnen und sie waren beide tot. They were already dead. Sie waren beide because schon they tot. Chose that. Weil sie sich für den Tod entschieden and haben. They got dead. Und haben den Tod empfangen. Tous les deux, ils étaient déjà morts et c'est pour cela parce qu'ils ont choisi la mort et you c'est pour cela aussi qu'à la fin ils ont récolté aussi la mort. You can see two types of death here. They were already dead before they were taken out. Sie waren schon tot, bevor sie weggenommen worden sind. Amen. Und dann sind sie gestorben. Et tu vois qu'ils étaient deux types de morts, deux sortes de morts. Ils étaient déjà morts avant qu'ils puissent être enlevés de l'église. Praise the Lord. Hallelujah. Until you are dead, you cannot live here. Erst wenn du tot bist, kannst du hier rausgehen. Tu peux seulement quitter cette église si tu es mort, quand tu es mort. A living church, you know, living there, if you are against it, you have fights and you know and you are living. The best for you is just repent. And be one with Christ. Das Beste für dich ist einfach Buße zu tun und zu beten. That's why when people come here, listen, and they are here, I just pity them. Because it's like, you know, after eating puri, kenke, Ghana know what is kenke. Fufu, you are eating it. And now somebody is going to feed you with just milk. You cannot fool belle. You can never be satisfied. Mm-hmm. That side is dead. Mm-hmm. And you come, that you now have, you are going to find a living church. When you are against one, it means the same that you are going to, you are also already against it before you even get in there. Deswegen tut es mir leid, wenn die Leute hier reinkommen, weil sobald du von dieser wahrhaftigen Speise geschmeckt hast, wirst du nichts anderes mehr essen können. Das ist so, als ob du Spaghetti mit einer richtig leckeren Soße isst und auf einmal bietet dir das nächste Mal jemand Ketchup mit Spaghetti an und du sagst, das geht nicht, ich kann das nicht mehr akzeptieren, ich kann sowas nicht mehr essen. Ich kann sowas nicht mehr essen, weil ich mit richtiger Soße, mit einer wahrhaftigen Soße diese Nudeln schon gegessen habe. Und so ist es auch mit den Leuten, die hier sind und dann halt gehen. Und wie gesagt, sie sollen sich nicht täuschen. Wenn sie hier in dieser lebendigen Gemeinde nicht klargekommen sind, werden sie es auch nicht in einer anderen Gemeinde tun. I'm not preaching it so that you are en here. Fait, I'm coming, let me quickly say that. I'm not preaching it so that you remain here. Mm. I'm preaching it because that is what he said I should do. Yeah, klar. Amen. No. It's like God told what is his Samuel. He said, warn them against the king. That they desire. He was not preaching. God is not saying that once they leave, heaven will be shut down. That no one will be in heaven any longer. No, he just loves you and he want to warn you against what is coming. You know what is coming. You know what you are where you are going. En fait. En fait, Jésus-Christ, l'Éternel veut que... Ah, c'est comme par exemple quand tu manges, quand tu es ici dans une église vivante, ça appartient au vivant. C'est comme si on te donne quelque chose, on te donne maintenant du foufou, tu manges, tu es rassasié, et dès que tu sors maintenant tu pars encore manger quelque part autre, on te donne maintenant du lait, ça ne va pas te faire rassasier. Et c'est comme ça aussi avec dans des églises vivantes. Tu ne peux pas sortir d'une église vivante pour partir dans une autre église vivante. Parce que tu ne peux pas dire que je pars maintenant, je sors d'une église vivante pour chercher une autre église vivante. Ça ne marche pas comme ça parce que toutes les églises vivantes, c'est la même chose. Donc, ça signifie que où tu vas aussi vomir, c'est que tu es en train de manger dans cette église vivante. Sauf si c'est une église religieuse. Et ça ne va jamais te satisfaire. Und ich sage das nicht, damit die Leute hier bleiben, ne, weil darum geht es mir nicht. Ich sage es, weil der Herr es gesagt hat. Deswegen predige ich es. Genauso wie mit, als Gott zu Samuel gesagt hat, sag ihnen, ne, dass wenn sie diesen König aus Fleisch und Blut haben wollen, wird es wirklich Konsequenzen für sie haben. Er hat das nicht gesagt, weil er sich gedacht hat, wenn sobald der andere König dann ins Spiel kommt, ist er nicht mehr König, wird ihm die Krone weggenommen, wird der Himmel dicht gemacht und alles ist vorbei mit seinem Königreich. Nein, es geht alles bei ihm weiter. Es geht um die Kinder Israels. Sie werden daran unterleiden. Sie werden daran zugrunde gehen, nicht er. Bei ihm wird alles weiterhin gut laufen. Und genauso ist es auch bei uns, deswegen sagen wir die Wahrheit, um dich zu retten, nicht um uns, wenn wir sind schon errettet. Amen. Et c'est pour comme ça aussi, on va voir aussi avec l'exemple de Samuel, par exemple, où l'Éternel, qui était en train de régner à travers lui, il a dit d'avertir aux enfants d'Israël, vous êtes en train de, vous voulez, votre vœu c'est d'avoir un autre roi, mais vous n'avez pas besoin d'un roi. Il n'a pas dit ça pour que Saül puisse continuer à régner pour eux, mais il a dit il a averti aux enfants de Dieu parce que eux ils ont besoin d'Israël, parce que les enfants d'Israël ont besoin de Dieu et pas pour lui-même ou bien pour Saül. Il a fait ça pour les avertir, il s'agit d'eux. Et c'est tout comme nous aussi, moi aussi quand je prêche ce message, c'est pas pour que vous puissiez rester ici, mais c'est pour vous, pour que vous puissiez rester à vous faire conduire par l'Esprit, par Jésus-Christ. C'est pour votre bien et pas pour mon bien ou bien pour les biens des enfants qui sont ici. Praise the Lord. Hallelujah. Next week, we have closed, please. Next week is New Year. Please be